7. Le lendemain, il y eut la pluie. Le ciel s'était chargé vers Genève, d'où vient le mauvais temps. Au petit matin, le soleil fut rouge, et on dit « il va pleuvoir ». Mais les moissons étaient rentrées, la pluie arrivait au bon moment. Elle tombait sur les toits avec un bruit égal qui donne sommeil. Elle débordait des gouttières comme une chevelure. Il y avait sur la route des mares rondes, et entre les mares de petits canaux croisés comme les mailles d'un filet. Les regains nourris s'enflèrent et verdirent. Julien regardait pleuvoir. Il pensait « Adieu pour ce soir. Après tout, on pourra se coucher de bonne heure. » Et cette idée lui était agréable parce qu'il avait du sommeil en retard. Mais le surlendemain, il plut encore. L'ennui est vite là, quand on n'a rien à faire. Julien se dit « Allons à l'auberge. » Alors, il y eut Constant. Les charpentiers démolissaient le pont de Danse. On avait ôté les drapeaux et les guirlandes et tout. L'auberge avait l'air d'avoir vieilli tout à coup, plus noire, ridée et montrant son crépi tombé par places sous les fenêtres. Tout était devenu mort comme quand l'orage a passé. On lisait sur un écriteau noir à lettres jaunes « Auberge communale ». L'enseigne en tôle, où un paysan pousse sa charrue, pendait tristement au bout de sa potence. Julien monta le perron. L'odeur du vin sortait par bouffées du corridor. C'est une odeur qu'on aime à sentir de nouveau. En entrant dans la salle, il revit les tables de bois brun, le poêle de faïence, les tableaux au mur, et il fut content. Constant était tout seul au bout d'une table, et il fut content lui aussi, car il s'ennuyait. Il dit « Tiens, c'est toi, salut !» et ils s'assirent en face l'un de l'autre, bien accoudés pour pouvoir causer. « Qu'est-ce qu'on prend ?»« Un demi. Va pour un demi. » Constant était un grand garçon, avec de la barbe couleur de sa peau rouge et des cheveux ras un peu roux. C'était un tireur. On lui voyait des grains de poudre au coin de l'œil. Il se mettait devant la cible, bien posée sur le talon. Il visait longtemps, en levant lentement son fusil, depuis par terre. Le coup partait et le fanon rouge montait sur la butte. Il ne manquait presque jamais son carton. Alors il faisait sauter la douille et disait tranquillement « Encore un de décroché ». Et puis, il allait chercher son prix, qui était toujours le premier prix, une belle soupière ou une pendule régulateur. C'est pourquoi il avait de l'importance. La servante apporta le demi-litre. Julien remplit les verres, ils trinquèrent. « À ta santé, à la tienne !»« C'est un joli petit nouveau !» dit Constant. Puis il dit « Qu'est-ce que tu fais? On ne te voit plus !»« C'est ces moissons !» répondit Julien. « A-t-on eu affaire ?»« Rien que les moissons !» répondit Constant en hochant la tête d'un air malin. « Charrette, elles t'auront pris du temps. »« Je pense bien, » dit Julien. « Je les ai encore dans les bras. »« Alors, le soir, est-ce que tu moissonnes ? Ce bal que tu n'en manquais pas un. Ah, le gaillard !» Constant s'égayait. Ses épaules sautaient en l'air et retombaient. Entre deux bouffées, il crachait par terre. Ensuite, il frottait du pied. « Regarde bien ce bal, tu es un vieux fou. » Est-ce qu'on se lâche, c'est bête? Un bal, jusqu'au milieu de la nuit, roulement. Tu sais, un bal, toutes les jolies filles, la Julie, l'Héloïse, et des douzaines d'autres, et une musique. Il fallait voir que les vieilles s'en mettaient, et le vieux Godard qui est dans les 80, par-dessus le marché, qu'ils ont eu de la peine à se tenir debout, tonnerre. Et on est deux ou trois amis dans les jeunes, en voilà un qui ne vient pas. La servante écoutait. Debout près de la vigneronne à jupe courte, qui souriait parmi les pampres, sur une affiche clouée au mur. Constant vida son verre, puis il poussa Julien du coude. « Qui est-ce ? » « Rien, » dit Julien. « Est-ce qu'on dit par le village ? » « Qu'est-ce qu'on dit par le village ? » « Rien, » dit Constant du même ton. Julien était mal à l'aise. Il avait posé ses poings devant lui sur la table, et il serrait les mâchoires d'un air têtu. « Dis-moi au moins son nom. » Julien dit « Tu m'ennuies. »« Ah !» dit l'autre, « Tu es de mauvaise, c'est pas bon signe. » Julien ne répondit pas. Ils sortirent. Sur la place, les pluies avaient bouché les rigoles. Il y avait une grande flaque. Les enfants, les culottes troussées, couraient dedans en poussant des cris. « Au revoir !» dit Constant. « Ce sera pour une autre fois. » Il plut toute la journée. Julien eut le temps de s'asseoir l'esprit et de se regarder en dedans. Son humeur était comme la pluie, et il vit en dedans que le meilleur encore est de vivre tranquille. Est-ce que ça vaut tant d'histoire, une petite fille, une robe bleue et un rien de plaisir? Mais le plaisir durait encore, et puis son humeur s'éclaircit, et il dit « Tant pis pour eux, elle est trop jolie », de sorte qu'il prit le milieu. Pendant la nuit, la pluie cessa. Le ciel secoua ses nuages comme un oiseau ses plumes. Au matin, les ruisseaux décrurent. Puis le soleil sortit. Les limaces sur les chemins étiraient leurs rubans de soie. Lorsque Aline aperçut Julien, elle courut à sa rencontre. Elle disait « Ah, te voilà, quel bonheur! C'est bien long, 3 jours !» Il répondit « Hein, quelle pluie !» Le talus était trempé et le sol glissant. Il reprit « On ne pourra pas rester là. « Crois-tu ? On serait dans l'eau. « Qu'est-ce qu'on va faire ? » dit-elle. « On ira faire un petit tour. « Rien que ça. « Que veux-tu ? C'est pas ma faute s'il a plu. » Comme ils marchaient, Aline eut une idée. « Sais-tu ? Allons dans ta chambre. « C'est pour rire. « Non, dit-elle. « Et l'escalier qui est en bois, toute la maison entendrait. « Eh bien, dans la mienne. « Ah, tu sais, dit-il, on pourrait croire que tu as perdu la tête. » On entendait respirer les arbres. Il semblait que la nuit bougeait, et elle était tiède. Une petite vapeur traînait sur les bois. « Tout de même, dit Aline, on serait bien mieux chez nous. » Elle était inquiète, ne sachant pourquoi, parce que c'est l'air qu'on respire, et ce qui va venir qui est déjà sur nous. Elle suivait Julien. Ils allaient au hasard. Alors il pensa que le moment était venu. « Vois-tu, dit-il, c'est que tu es une femme. Les femmes ne comprennent pas ce que c'est. Est-ce que vous sortez seulement? Comment voulez-vous voir les choses? Nous, qu'on est des hommes, on voit plus clair, il faut me croire. Tu sais comme ils sont au village, c'est plein de jaloux, et toutes les mauvaises langues. Si on nous faisait des misères. « Qu'est-ce que ça fait ? » dit-elle. « Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait beaucoup. On ne pourrait plus se revoir. » Et il reprit. « Je me suis dit, avec ce temps, et puis tout le reste, on devrait s'arranger 2 fois la semaine. » Aline ne comprit pas tout de suite. Elle dit « Pourquoi faire ?»« Pour se rencontrer. » Elle disait, parmi ses larmes, « Non, je ne veux pas. » Il disait « Ça me fait aussi de la peine. C'est pour le bien que je fais ça. » Mais elle répétait « Non, non, je ne veux pas. » Et ses larmes coulaient toujours. « Tu n'es pas raisonnable, dit-il. Tu ne sais pas ce qui pourrait m'arriver. » Elle renifla et, se tournant vers lui, « Quoi ? » dit-elle. « Est-ce qu'on sait ? Veux-tu être gentil ? C'est pour moi. » C'était pour lui. Elle dit oui avec la tête. Et ils s'arrêtèrent. Ils se trouvaient à mi-côte sur le versant de la colline. Le village se tenait en bas, emmêlé dans l'ombre avec ses arbres. Les hommes étaient là, et les hommes sont méchants. « Ah ! Disait Julien, je t'aime encore mieux. Mais non, ça n'est pas possible. Je t'aime autant. Je ne peux pas plus. » Il la baisa, au front. Ses lèvres étaient froides. Cependant, elle éprouvait, parmi son chagrin, une espèce de bonheur triste, comme un soleil d'hiver, ayant consenti. On peut tout donner à celui qu'on aime, quand l'amour est grand. Les semaines passèrent encore. À présent, elles étaient bien vides et noires pour Aline, avec 2 jours comme de lumière, et tout le reste du temps n'était plus rien. Et voilà qu'à leur tour, ces lumières pâlirent. Cela se fit lentement. Elles pâlirent et décrurent par degrés, comme une lampe où l'huile manque. Il y avait quelque chose qui était changé, qui allait changeant toujours plus. Elle restait la même, mais Julien n'était plus le même. Il était pareil à un homme qui s'est assis à une table servie et qui se lève quand il est rassasié. Il se lève et on voit qu'il va s'en aller et qu'on ne peut plus le retenir, parce que l'amour qu'il avait était une faim qui passe comme la faim passe. Et elle resterait seule. Elle sentait le bonheur glisser entre ses bras comme une botte de fleurs, dénouée. Ensuite la saison s'élevait entre eux, avec toutes les autres choses. Les jours devenaient courts, les nuits devenaient froides. Aline cherchait les étoiles des yeux et ne les trouvait plus. On avait fauché les regains. La lune, au commencement de sa carrière, était comme un anneau brisé. Quand on met les vaches en champ, elles sortent toutes ensemble en branlant leur sonnaille. C'est l'automne qu'elles ramènent et qui sonne aux cloches sur les chemins. On cueillait les premières pommes. Et un jour vint la peur. C'était une fois qu'ils étaient ensemble, sous l'arbre. Un homme passa sur le chemin. Il s'était glissé en rampant dans la haie. Il ne pouvait rien voir à cause des branches, mais les pas se rapprochaient. Et puis l'homme s'arrêta. Julien pensa qu'ils étaient découverts. Enfin, on aperçut une petite lueur rouge. C'était l'homme qui allumait sa pipe. Il reprit son chemin. Les pas s'éloignèrent. On n'entendit plus rien. Aline se risqua dehors, la première. « Viens, dit-elle, c'est fini !» Seulement Julien avait eu si peur qu'il fut un moment sans parler. Sa voix tremblait. Il dit « C'est bête, il vaut mieux qu'on retourne, chacun de son côté. » Et le mercredi suivant, il manqua au rendez-vous. 8. C'était un soir comme tous les soirs. Elle était à sa fenêtre. Lorsque Julien venait, il sifflait doucement. Quelquefois aussi, par les nuits claires, elle l'apercevait sous le saule. La route éclairait doucement dans l'ombre, les murs étaient tièdes encore, parce que c'était l'été, mais, à présent, il faisait noir. D'abord, elle crut seulement que Julien était en retard. « On ne fait pas toujours comme on veut », voilà ce qu'elle se disait. Mais, à mesure que le temps passait, elle devenait agitée, à cause de ses imaginations. On pense à la maladie, on pense à la mort. Elle ne pensait pas à la vérité, qui est la cruauté des hommes qui sont les plus forts. Quand 11 heures furent là, les jambes lui démangèrent d'attendre. Elle sortit sur la route. La route s'en va d'abord tout droit, puis elle se courbe vers la maison d'école. De l'autre côté, elle descend dans le pays, sous les pommiers. Les jardins se tenaient derrière leurs barrières. Il n'y avait personne. Elle partit vers le village. Elle pensait au soir où elle avait porté la lettre. C'était autrefois, le temps qui n'est plus. Comme la vie tourne. Elle a un visage qui rit et un visage qui pleure. Elle tourne et on la voit rire. Après, on la voit pleurer. Une fois qu'elle fut devant chez Julien, Aline s'arrêta. La maison, lourde et carrée, montrait ses volets fermés. Elle semblait dire « Va-t'en !» comme quelqu'un qui veut dormir. On n'entendait rien que la fontaine. Aline regardait vers la fenêtre de Julien. Est-ce qu'il ne devait pas la sentir dehors, avec ses yeux tendus vers lui ? Mais rien ne bougeait sous le rond du ciel, où est le silence. Alors, s'appuyant contre un mur, elle attendit encore longtemps. Et puis elle eut froid, étant sans châle et tête nue. L'air de la nuit l'enveloppait comme un linge humide. La solitude pesait sur elle comme un poing lourd. Elle ne rentra qu'après minuit. Le jour suivant, une troupe de montreurs de bêtes traversa le village. On était dans la matinée quand le tambour battit. Le chameau marchait en tête. Il avait des plaques de peau nues, des poils comme de la ficelle défaite, une bosse pendante et un long cou recourbé par en haut. Ses jambes allaient s'écartant à partir de ses genoux cagneux, d'où venait son allure comme un bateau qui roule. Le singe, habillé en général, était assis sur le dos de l'âne, qui tirait une charrette. Il cherchait ses puces en faisant des grimaces. La chèvre suivait. Mais le tambour ayant battu, pour la seconde fois, la représentation commença. Les gens faisaient le cercle, tout le village était sorti. Les hommes tenaient leur pipe au coin de la bouche et souriaient, parce qu'on est des hommes, pour dire « c'est bon pour les enfants ». Le montreur avait un foulard rouge autour du cou et un chapeau de feutre pointu. Il fit d'abord coucher le chameau qui plia les jambes de devant, en balançant sa croupe un long moment en l'air, comme un arbre qu'on coupe. Puis s'abattit. et l'homme, montant dessus, dit, avec l'accent italien, « Voilà comme on charge le chameau au désert. On y met des tonneaux, des sacs, tout ce qu'on veut, 1000 kilos. Ils ne boivent pas pendant 15 jours. » « Ah » disait-on, « si on était tous comme ça, le pintier n'irait pas bien loin. » Ensuite, le singe tira du pistolet. Sa queue sortait sous les basques de sa tunique. Et comme, au milieu de ses tours, ayant lâché son sabre, il se grattait le crâne, l'homme le corrigea d'un coup de lanière. Henriette ne parlait pas. Elle gardait toutes ses forces pour comprendre, étant des vieilles gens qui ont un mur autour de leurs idées. Et les autres femmes étaient comme elle. Elle disait, « Autrefois, on ne voyait pas de ces bêtes. D'où est-ce que ça vient ?»« Ça vient d'Afrique. Croyez-vous ? Oh, je sais bien. Pas la chèvre ? Non, rien que le singe et puis le chameau. Vous souvenez-vous ? Dans le temps, on avait les calabrais, avec des peaux de mouton autour des jambes, et des espèces de flûtes avec des vessies qui se gonflaient. On n'en voit plus. Dieu soit béni. D'où ce que ça sortait ? » Mais Aline n'écoutait pas. Elle était triste. C'est pourquoi elle plaignait le singe. Il était si maigre, et il avait de tant grosses larmes dans les yeux. Quand on le battait, elle aurait voulu le prendre et l'emporter dans ses bras. Et le chameau aussi, seulement, il était trop gros. Et puis les grimaces du singe la faisaient rire encore, malgré son chagrin. Et puis, elle redevenait triste à cause de la chèvre. On avait installé une sorte d'échafaudage rond, avec le dessus pointu et 4 étages. La chèvre y grimpait. À chaque étage, elle faisait le tour et saluait en levant la patte. Pour monter plus haut, elle se dressait toute droite. Plus elle montait, et plus la place était petite. Et l'échafaudage avait bien 2 mètres de hauteur. On pensait, si elle tombe, elle se cassera les pattes. Et l'homme claquait quand même du fouet. Mais, au moment où la chèvre, les sabots joints au sommet de la machine, tournait comme une toupie en faisant des révérences, Aline aperçut Julien. Elle ne l'avait pas vu venir. Il était là, tout à coup, et elle ne pensa plus ni au singe, ni à la chèvre, ni au chameau. On fit la quête. C'est le mauvais quart d'heure, et tout le monde tourna le dos. Un petit garçon pâle secouait son assiette. Elle était presque vide. L'homme compta l'argent dans le creux de sa main en haussant les épaules, et la représentation recommença à l'autre bout du village. Henriette s'en était allée. Alors Aline, étant seule, se glissa vers Julien. Elle s'approcha par derrière, elle lui posa la main sur l'épaule et, comme il se retournait, elle sourit. Ses yeux étaient redevenus clairs comme les lacs de la montagne quand le soleil se lève. Lui, il fut embarrassé. Mais personne ne faisait attention à eux, à cause des bêtes. D'en haut, les têtes rapprochées étaient comme une couronne sombre, où les nuques et les visages figuraient des fleurs roses. D'en bas, on voyait la petite tête du singe et sa casquette à plumet blanc attachée sous le menton. Il fit partir son pistolet. Et Aline disait, « Qu'as-tu fait hier soir? Pourquoi n'es-tu pas venu ?» Il répondit, « On me voyait aller rôder tout le temps. C'est par précaution, tu comprends ?»« Je t'ai attendu, » dit Aline. « Longtemps ?»« Oh oui, longtemps !» Mais le singe fouetté hurla. Il reprit. Il tourmente ses bêtes. Et il disait. « Eh, le singe, il a le dedans des mains comme un homme. » Elle disait. « C'est pour la semaine prochaine, sûre cette fois. » « Que oui. » Pourtant, il s'écartait déjà d'elle, et, se poussant du coude entre les groupes, il fut vite au premier rang. Puis il se tint là, sans remuer jusqu'à la quête. Alors il jeta 2 sous dans l'assiette, tandis que l'Italien, s'étant découvert, disait « Mesdames et messieurs, avant de quitter votre honorable village, je tiens à vous remercier. » Le chameau allongea son long cou, le singe rongeait une carotte, et l'âne se mit à trottiner avec sa charrette, où on voyait des morceaux de pain sec, la machine de la chèvre et de l'étoffe rouge à galons dorés. Julien, s'en retournant, se représentait Aline, comment elle était venue vers lui, et aussi la promesse qu'il avait faite. Mais on promet, et on ne tient pas. les paroles s'oublient. Ce n'est qu'un petit bruit qu'on fait, qui s'en va en l'air avec les nuages. Les raisonnements sont plus solides. Ils sont faits de pierre comme des maisons où on va se mettre pour être à l'abri. Il se disait, c'est qu'elle s'y met trop. Elle est déjà comme une folle. Qu'est-ce que ça va être si ça continue? Je ne peux pourtant pas me marier avec elle. Dans les bons ménages, on a des deux côtés. Elle n'a pas grand-chose. Ensuite, il se disait, voilà à présent comment faire. Une qui pleure, qui peut crier. Elles font des scènes, ça serait du beau. Le moyen, c'est de se cacher. Elle vient, eh bien, on s'en va. Elle finira bien par comprendre. Et il ajoutait dans sa pensée, je ne suis pas le seul après tout. Elle en trouvera un autre. Les colchiques avaient fleuri, petites flammes qui tremblotent, que le vent souffle, qui ne sont rien, petites sœurs pâles de la brume. 9. Quand Aline vit son malheur, elle n'y voulut pas croire. C'est ainsi que les petites filles qui ont peur de la nuit se cachent sous les couvertures. Elles s'accrochaient à tous les petits espoirs qu'il y a. Ils cassèrent l'un après l'autre dans sa main. On n'a pas même le temps de bien s'aimer, le temps de s'aimer est comme l'éclair. L'automne s'était posée à la cime des arbres, et les feuilles touchées jaunirent. Elles ressemblaient dans les branches à de jolis oiseaux clairs qui vont s'envoler. La lumière adoucie était molle comme un fruit trop mûr. Les chiens bâillaient en s'étirant dans la cour déserte des fermes. Vers le soir, les fumées des feux de broussailles traînaient sur les champs comme des chenilles blanches. Aline éprouvait qu'il est quelquefois tellement difficile de vivre, qu'on aimerait finir tout de suite. On ferme les yeux et on se laisse aller, comme la feuille dans le ruisseau. Mais elle songeait, ce n'est pas possible que ce soit pour toujours. Elle séchait ses larmes et relevait la tête. Un matin, la petite infirme mourut. Elle était dans sa charrette à roues de bois comme d'habitude. À midi, on la trouva, froide. Elle était morte, sans personne. On n'avait rien entendu. Elle n'avait pas même bougé. Et on dit, comme ça se fait, enfin à présent au moins elle ne souffrira plus. Mais Aline comprit que c'était un signe pour elle. Il vint de grandes pluies. Le temps était ainsi cette année-là. L'averse tombait comme des ficelles tendues. Et le vent, pareil à une main, sautait de l'une à l'autre en les courbant. Puis on ne voyait plus rien qu'une sorte de dentelle grise qui se soulevait, découvrant un coin de bois noir et triste au fond de la prairie, et les arbres grinçaient comme un gémissement. Parfois Henriette, sa jupe relevée par-dessus la tête, courait mettre une seille sous la gouttière. Aline pensait « Ah oui, c'est maman qui porte la seille ». Et Henriette se secouait dans la cuisine en disant « C'est plus un jardin, c'est un lac ». Alors, durant la nuit, la petite maison repliait son toit comme des ailes, se faisait petite sous le ciel. Les nuages glissaient sur la lune, elle paraissait un instant et semblait fuir, et Aline voyait sa clarté vaciller et s'éteindre parmi le vent à sa fenêtre, car elle ne dormait pas. Son chagrin l'empêchait de dormir. Elle cherchait, le long des heures, dans sa tête, reprenant les jours un à un, comme un collier qu'on égrène, avec toutes ses fautes pour s'en charger. Car elle n'accusait pas Julien, c'était elle qu'elle accusait. Un jour, elle avait un peu boudé, les garçons n'aiment pas qu'on boude. Julien se sera fâché, mais elle n'a rien dit, parce qu'il ne dit rien. Et puis, le soir de la danse, qu'est-ce qu'il a eu de ne plus vouloir? C'était bien joli, j'ai fait pourtant tout ce qu'il a voulu. Ah, mon Dieu, c'est bien difficile. Elle pensait. On ne sait pas. Il était bien bon, oui, il était bien bon. Il m'a donné des boucles d'oreilles. On s'est fait des petits cadeaux. Le jour où il m'a apporté des framboises, je lui ai bien dit merci. Est-ce qu'il croirait que je n'ai pas été contente? Il doit quand même savoir. Elle se tenait assise sur son lit, les yeux ouverts et fixés devant elle. L'obscurité était quelque chose de profond et d'épais, comme une fourrure noire. Et de petits soleils rouges et bleus montaient dans l'air en tournant. Elle se frottait les yeux, elle se demandait « Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? est-ce le bon Dieu qui me punit ? » Ses pensées étaient comme les abeilles qui sont sorties un jour d'orage. Elle ne trouvait pas la bonne place dans son lit. Son oreiller brûlait. Tantôt elle se découvrait et elle avait le frisson. Tantôt elle se recouvrait et les draps étaient lourds sur elle comme une pierre. Et puis, lorsque le sommeil venait, elle avait des rêves avec leurs tromperies, où elle était heureuse et qui se brisaient comme un vase qui tombe des mains au réveil. Ou bien d'autres pareils à la réalité, avec sa tristesse, ou d'autres encore si horribles qu'elle criait en dormant. Une fois, elle était au bas d'un grand arbre et Julien était en haut qui lui disait « Viens !» Et elle fit comme il disait. Il était assis au bout d'une branche et elle s'assit à côté de lui. Et voilà que l'arbre se mit à pencher et à craquer parce qu'ils étaient trop lourds ensemble. Et elle sentait Julien glisser et elle aussi. Et il tombait dans le trou avec l'air qui entrait dans sa bouche comme une plume qui chatouille. Et un grand serrement à la gorge qui l'éveilla soudain. Une fois aussi, elle rêva qu'on l'enterrait vivante. On la descendait dans un grand creux où il faisait tout noir. Il y avait un morceau du ciel au-dessus d'elle. Il devenait toujours plus petit, et enfin comme un point blanc. Et en même temps, elle étouffait. Elle avait pâli. Ses belles couleurs étaient parties comme l'églantine, ses feuilles. Elle avait aussi beaucoup maigri. Ses poignets ronds étaient devenus carrés et trop minces, et elle avait des cordes sur les mains comme les vieilles femmes. On voyait à ses tempes qui s'étaient enfoncées un petit bouquet de violettes, et c'étaient les veines, et elle ne mangeait plus. Henriette lui disait « Allons, mange !» Elle répondait « Je n'ai pas faim. » Et comme elle toussait, sa mère reprenait « Voilà que tu tousses, tu ne vas pas bien, pourquoi ne veux-tu pas te soigner ?»« C'est le temps qui fait ça. Moi je te dis qu'il faut se soigner, on tousse, on s'en va de tousser, si on consultait. »« Oh non !» Henriette se méfiait, parce qu'elle trouvait que cette maladie avait un drôle d'air. Seulement les femmes ont souvent de mauvais moments, et Aline crut d'abord que c'était le chagrin qui la rendait malade. Ensuite, elle eut de grandes douleurs dans le dos, puis dans l'estomac, comme une brûlure. Puis elle vomit, et un matin, tout à coup, elle sentit qu'elle avait un enfant. Alors elle pensa seulement « Il faut tout de suite que j'aille le lui dire. » 10. À la fontaine, les laveuses lavaient le linge. Elles frottaient des deux mains sur la planche lisse, le savon faisait sa mousse, et l'eau était bleue et douce d'odeur. On a beaucoup d'ouvrage le matin. Une femme s'en revenait de la boutique avec une livre de sucre, une autre balayait devant sa porte. Une grande fille menait un bébé par la main. On entendait le menuisier raboter dans sa boutique. Il faisait un petit temps gris, un peu frais, et il soufflait un rien de bise. Le ciel avait des nuages blancs tout ronds qui se touchaient, comme les pavés, devant les écuries. Les vaches, dans les champs, branlaient leurs sonnailles de tous les côtés. Et une des laveuses dit, en rinçant son linge, « C'est le 13, aujourd'hui. »« Non, dit une autre, c'est le 14. »« Tant mieux. »« Et moi, reprit une troisième, moi je vous dis que c'est le 13. » Alors Aline passa, et elles s'arrêtèrent toutes de causer. Julien coupait du bois près de la porte de la grange, derrière la maison. Des pigeons roucoulaient sur le bord du toit. À gauche, le verger rejoignait la campagne. On voyait par les trous des branches les pommes rouges d'un pommier tardif. Les autres n'avaient plus de fruits et presque plus de feuilles. Julien travaillait à son aise, étant chez lui. Il avait ôté son gilet parce que le mouvement donne chaud. Sa hache montait et retombait. À chaque coup, il fendait sa bûche. Et quand Aline arriva, il resta une bonne minute comme il était, sa hache à la main. Un pigeon s'envola sur leur tête. Julien ouvrit les lèvres comme pour parler, mais il ne dit rien. Et elle non plus ne dit rien au commencement. Mais ensuite les paroles lui vinrent à la bouche comme l'eau dans une pompe, et jaillirent à la fois. « Tu ne sais pas, » dit-elle, « je voudrais bien que... Non, seulement, oui, c'est la vérité. Je n'étais pas sûre. C'est la première fois. Et puis il a bien fallu, n'est-ce pas? Et puisque c'est toi, il vaut mieux que je te dise. » Elle parlait en tâtonnant avec ses mots comme un aveugle avec ses mains. Elle tordait dans ses doigts les attaches de son tablier. Elle avait les pommettes rouges comme deux petits feux allumés. Elle avait un corsage de toile bleue et une vieille jupe brune. Julien dit « Quoi ?» Elle montra son ventre et dit « C'est un enfant qui m'est venu. » Un second pigeon s'envola. Julien dit « Charrette !» Puis il reprit « Charrette !» Son cou s'enfonça dans sa nuque, et il avança la tête comme un bélier qui va corner. Puis il se retint, pensant qu'Aline mentait peut-être, et il dit « Tu es folle !» Elle ne répondit pas. « Tu es sûre ?»« Oh oui !»« Sûre, sûre ?»« Oh oui !» Alors il avança de nouveau la tête et dit « Eh bien, tu n'es qu'une bête, ça ne me regarde plus !» Et jetant sa hache, il s'en alla. Mais Aline le suivait, marchant près de lui comme un pauvre qui mendie, disant « Écoute, puisque c'est ainsi, on serait bien les deux. Tu es fâché, c'est le coup. Penses-tu ? Quand tu penseras ?» Il s'arrêta et dit « Fiche-moi le camp !» Et elle se prit la joue comme si elle voulait la mordre avec ses doigts. Et de l'autre main, elle tenait Julien par sa chemise. Et elle s'attachait à lui pour le retenir. Et elle aurait aimé être battue, et qu'il la battît fort, mais rester avec lui. Et elle disait « Oh, tu sais, je t'aime bien, toujours plus. Et puis le petit est à toi, marions-nous, je serai tant bonne. » Et lui ne songeait pas à la battre. Il aurait seulement voulu qu'elle fût loin, et soufflée dessus comme sur un peu de fumée. C'est pourquoi il répétait « Ce que tu dis, je m'en moque. Fiche-moi le camp !» À ce moment, le père d'Amon sortit de l'écurie. Il était court et tassé, et il écartait les jambes d'étonnement. Aline eut peur. Il lui parut que les arbres du verger s'abattaient tous ensemble, et que la nuit venait dans le ciel. Elle courut. Les maisons du village couraient à sa rencontre le long de la route. Elle avait comme de l'eau trouble dans les yeux, et lorsqu'elle vit sa mère, les forces lui manquèrent. Elle tomba sur une chaise. Elle tenait sa tête dans ses mains. Henriette eut de la peine à comprendre. Une fois qu'elle eut compris, ce fut fini. Son amour allait à rebours. Il y a un amour sévère et rude qui châtie. Quand on est honnête, on a des enfants honnêtes. Elle eut d'abord une grande colère. Elle disait « Es-tu ma fille ?» Et puis cette colère lui durcit le cœur. « Une fille, une seule, et la voilà. Je devrais te dire, va voir ailleurs comme il y fait. Je te garde, mais va droit à présent, si tu vas courbe. » Elle ferma la porte. Les idées se dressaient dans sa tête comme le bois vert dans le feu. Elle remuait les bras, et toute sa bouche remuait avec. Puis elle regarda vers sa fille. Aline était comme un paquet, jeté là, soulevé du dedans par moments. On ne voyait que ses cheveux défaits autour de sa tête et ses mains toutes pleines de petites secousses. Et elle lui dit « Va te mettre au lit. » Aline obéit. Elle se déshabilla sans penser à rien. Ses doigts allaient et venaient tout seuls, par un reste d'habitude. Elle se blottit sous les draps, ayant honte du jour même. Cependant Henriette fit de la camomille. On en met 7 dans une tasse. Ni plus, ni moins. 7 est le nombre. La camomille est bonne pour toutes les maladies. On verse l'eau bouillante dessus. Aline but. C'était amer, comme sa vie. Ensuite, elle se tourna vers le mur, et la fatigue l'emporta sur sa douleur. L'ombre s'allongeait longuement sur ses paupières. Il lui semblait redevenir une toute petite fille. C'est le temps où on joue aux haricots. On fait un trou au pied d'un mur. Il y a des haricots de toutes les couleurs. Le soir descend et les hirondelles volent par grandes troupes autour du clocher.